Alors, la France a ceci de particulier, Patrick Poivet, que on peut aller au cinéma et regarder aussi bien un film sous-titré ou sa version doublée. Alors, c'est pas systématique, mais c'est le cas. C'est quelque chose d'important, selon vous, de pouvoir garder justement ce choix. Bah, c'est fondamental, parce que de toute façon, il faut protéger l'œuvre originale. Ça, il n'y a même pas de discussion possible. Mais le sous-titrage a un des avantages, c'est qu'il y a très peu d'espace, très peu de caractère, en fait. Et vous avez des auteurs qui sont très prolifiques. Alors, vous avez 24 caractères. Et puis, on peut pas, vous prenez un exemple type, c'est Woody Allen. Woody Allen, c'est un argot new-yorkais que même les new-yorkais ne comprennent pas. Alors, moi, je veux bien la version originale, mais le sous-titrage, Woody Allen n'arrête pas de parler, donc on peut pas avoir la globalité. Alors, le doublage, des fois peut aider. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a pas d'opposition. Il y a non, mais non, mais non, mais non. Et c'est génial qu'on puisse avoir la version originale sous-titrée et en même temps la version doublée, parce qu'il y a des petites choses quand même un peu subtiles des fois.